J'ai tout écrit. Veux-tu signer ? Ce sont là de faibles paroles si Dieu lui-même ne les signe dans les cœurs. Va, hâte-toi. Adieu. Dieu, pardonne à ton serviteur. Qu'ai-je fait ? Qui suis-je pour m'opposer à l'œuvre juste de ta vengeance ? Tu as raison quand tu nous damnes. Tu as raison quand tu nous sauves. Tu as raison quand tu nous jettes dans la guerre. Tu as raison quand tu nous gardes dans la paix. Que ta volonté se fasse. Député des 8 cantons, je vous adjure de vous assembler une dernière fois. J'ai pour vous un message du frère Nicolas. Écoute-moi, mon peuple, et je t'avertirai. Dieu te parlait, mais toi, tu suivis ton conseil. Au penchant de ton cœur, alors il t'a livré. Du vin de sa colère abreuvé, tu chancelles. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. L'Éternel a tonné, la terre s'épouvante. Renoncez aux idoles, à l'or, à la puissance, aux funestes paroles, pour un instant de foi. Dieu le délivrerait. En un instant de joie, renaîtrait votre paix.